Only your music on RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC, avec vous Scream jusqu'à 10h30 pour une nouvelle émission, une émission qui s'appelle Backstage. On se retrouvera tous les mercredis entre 9h30 et 10h30, donc 9h30, 10h30, pour une émission donc Backstage. Une fois ce sera un album et une fois ce sera un album live. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer l'émission avec... le 7e album du groupe des Allemands Scorpion avec Animal Magnetism. Donc dans le groupe il y a Klaus Mann au chant, Rudolf Schenker à la guitare, Matthias Diabs à la guitare, Hermann Rarebel à la batterie et Francis Buchholz à la basse. On va d'abord s'écouter un titre, on se retrouve tout de suite après pour vous conter donc cette histoire de cet album pharaonique pour les Scorpions. Voilà, c'est parti. We call it zoo. Alors voilà, donc le premier titre de ce backstage, c'est donc sur l'album Animal Magnetism, c'était The Zoo des Scorpions. Backstage, les coulisses du son. Alors voilà, donc Animal Magnetism est le septième album du groupe des Allemands de hard rock, donc Scorpion, qui est sorti en 1980. Cet album est, bien que n'ayant pas été accueilli aussi positivement que des critiques précédentes des groupes, hein, notamment ils avaient déjà sorti donc Virgin Killer, The Flight to the Rainbow et tout ça. Donc ce septième album n'avait pas tellement été très très bien accueilli en Europe, trouve un grand succès parmi les fans et sera surtout le premier grand succès du groupe aux États-Unis, où il sera certifié d'abord disque d'or, puis disque de platine. L'album contient en effet quelques classiques du groupe. Les plus connus sont Making Real, chanson de hard rock typique des Scorpions, The Zoo, celui qu'on vient juste de s'écouter à l'instant, l'un des titres préférés des fans, et c'est souvent joué en concert. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà été voir Scorpion, vous avez pu vous rendre compte que quand ils jouent The Zoo, ben, la foule est en effervescence devant ce titre et Monsieur Closeman s'amuse à faire collaborer, jouer, chanter le public sur ce titre The Zoo pendant qu'il est en train de distribuer les baguettes à Terre Larigo. On va s'écouter donc le titre que je vous parlais tout à l'heure, hein, le Making Real sur cet album de Scorpion. Donc on se retrouve tout de suite après pour continuer cette découverte d'un album. Different and gun, and you too will join the sand. Make it green, not fantasy. écoutez Backstage. Voilà, donc c'était Making Real, une chanson qui a été écrite par Rudolf Schenker et Hermann Rarebell. Rudolf Schenker, guitariste, et Hermann Rarebell derrière les fûts, donc. Alors, on va passer maintenant à la pochette de cet album qui a été un peu, à l'époque, aussi controversé que l'album Virgin Killers. Quant à la pochette, est à nouveau controversée, comme je vous le disais. Mélange de machisme et d'érotisme sous-jacent. Elle représente une jeune fille agenouillée devant un homme tournant le dos, un chien à ses côtés. Et elle est l'œuvre des artistes pop art britanniques des studios Hypnosis. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir sur la page donc de la radio, hein, l'émission Backstage. Elle sera mise en ligne demain ou après, et vous pourrez aussi découvrir donc cette fameuse pochette qui pour moi est tout à fait anodine, mais bon, si on a des pensées un petit peu plus malsaine comme ça, ben voilà, c'est l'idée que on peut recevoir. Le prochain titre qu'on va s'écouter, c'est une chanson qui a été composée par Mathias Diabs et Hermann Rarebell. Une chanson un peu moins aboutie, on en parlera tout de suite après. Don't Make No Promise, une chanson très courte quand même, de 2 minutes 57. Et voilà, après on se retrouve tout de suite après pour continuer avec l'inspiration donc de ce fameux album qui a franchement des superbes pépites à l'intérieur. Donc c'est un album 9 titres, et sur le bonus CD, si vous voulez racheter le CD, si vous possédez le vinyle, il y aura un titre en plus qu'on vous passera tout à l'heure, donc de cet album Animal Magnetism. Les coulisses du son. Alors voilà, donc c'était le titre Don't Make No Promises, composé par Matthias Yabs et Herman Rarebell. Alors, quant à l'inspiration de cet album, cet album trouve son inspiration dans l'expérience américaine du groupe lors de leur première tournée aux États-Unis en 1979. Ils partagent l'affiche avec des plus grands groupes de hard du moment, comme notamment Van Halen ou Deep Purple. Scorpion remplit les plus grands stades et attire les foules. Donc déjà, à l'époque, en 80, il n'y avait pas besoin de stylo vinyle pour pouvoir remplir des stades. C'est surtout, je tiens à signaler ceci, parce que pour beaucoup de personnes, et de par mon expérience aussi, j'ai entendu que Scorpion s'arrêtait à Wind of Change et Still Loving You, et ce n'est pas le cas du tout, et là on verra tout de suite après. Dans ce point de vue, la chanson The Zoo plante son décor dans la fameuse 42e rue de New York, et en est l'exemple parfait. Cette chanson devient rapidement une des plus populaires des Scorpions et sort en single, ainsi que le classique Making It Real. Là, cette fois-ci, il est exactement 9h48 à l'horloge de notre studio et on va s'écouter une balade des Scorpions, une chanson qui a été composée par Rudolf Schenker et Klaus Mann. Ils seront souvent associés à ce genre de chansons, de compositions, car il faut savoir que sur chaque album des Scorpions, mais là on va pas épiloguer sur tous les albums des Scorpions, il y a bien entendu des balades et elles ne sont pas moche du tout. Il n'y a pas que Still Loving You qui aurait pu être populaire, c'est parce que bon, voilà, c'est tombé au bon moment et c'est tout. Sinon, sur chaque album, donc, comme je vous le disais, il y a des superbes ballades. Et là, sur l'album donc Animal Magnetism, qui est sorti en 1980, je tiens bien à le dire, et en réédition en 2001 chez EMI Music, il y a la superbe balade qui s'appelle Lady Starlight, une balade de 6 minutes avec un super solo, une superbe intro, une chanson à faire frémir les plus grands des fans de Scorpion et même les plus grands fans de belles balades. Allez, on va s'écouter donc Lady Starlight et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Lonely winter night, dreaming through winter night. Vous écoutez Backstage. Voilà, donc je vous avais dit que cette balade, elle est superbe. Une balade de 6 minutes qui nous fait avoir la chair de poule. Donc c'était tout simplement Lady Starlight, extrait de l'album Animal Magnétisme, qui est l'album de Backstage de cette semaine. Chanson composée donc par Rudolf Schenker et Klaus Mann, comme je vous disais, qui seront souvent associés à ce genre de chansons pour le groupe de balade. Je tiens bien aussi à dire qu'ils ne veulent pas non plus qu'on les appelle les gens qui ne créent que des balades. Ils ont fait d'autres chansons que je vais vous inviter à découvrir tout à l'heure. Il faut savoir aussi que cet album a été produit par Dieter Dierks, qui aura produit quelques albums aussi des Scorpions, et ce sera géré par Breeze Music GmbH. Voilà, comme ça vous savez pratiquement tout sur la production et tout ça, sans rentrer trop dans les détails pour vous faire fumer le cerveau. Alors l'œuvre Lady Starlight qu'on vient de s'écouter est aussi une musique très appréciée. Elle sera reprise pour un album de l'Orchestra Philharmonique de Berlin. Cet album aussi est sorti en DVD Blu-ray. Je vous invite, si vous voulez voir une autre facette du groupe, jouer avec un orchestre philharmonique, c'est pas évident. Il faut toujours mettre en place, changer certaines adaptations musicales. Et c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Et là, encore une fois, c'est la preuve que le groupe est très à l'aise dans ce genre de discipline. Il faut savoir qu'après, ils en ont sorti d'autres. Un live à Athènes avec un philharmonique et tout ça, et ça change un peu de voir l'arrangement musical, l'orchestration qui diffère vraiment des intros, aussi bien qu'il faut les solis qui changent carrément. C'est vraiment chouette à voir. Tout de suite après, on va se parler d'un peu de l'enregistrement de cet album qui est sorti en 80, mais bon, vous savez qu'un album se prépare, et des fois on n'avait pas tellement de thunes, donc on se dépêchait pour travailler sur des albums pour pouvoir les sortir. Et vous allez voir l'expérience de Animal Magnétisme des Scorpions, l'album qui est sorti en 1980. Je pourrais même vous dire que il est sorti au début, on va dire avant les vacances de 1980. J'en dis pas plus pour l'instant. Là, on va s'écouter le titre éponyme du groupe, hein. Animal Magnétisme. Cette chanson, elle a été composée par Rudolf Schenker, Klaus Mann et Hermann Rarebell. C'est un peu différent dans ce milieu métal. C'est plutôt un peu comme The Zoo. On va dire un matraquage avec un rythme bien marqué. C'est là qu'on reconnaît un peu la patte aussi de Hermann Rarebell, qui a été longtemps batteur, qui officiait longtemps batteur des Scorpions, qui maintenant officie au sein du frère Michael Schenker, et aussi pour son projet solo. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, on va s'écouter donc Animal Magnétisme, du titre éponyme des Scorpions. Backstage, les coulisses du son. Thank you. Voilà, donc c'était Animal Magnetism, titre éponyme de cet album, hein, que je vous ai dit qu'on découvrait ici dans Backstage pour la première de Backstage. Chanson composée par Rudolf Schenker, Klaus Mann et Hermann Rarebell, album sorti en 1980. Alors, en parlant de l'enregistrement de cet album, eh ben, cet album a été enregistré pas très loin de chez nous, hein. Il a été enregistré à Cologne, c'est pas tellement loin, parce que bon, on est un petit pays, nous, la Belgique, et bon, la Cologne, c'est, voilà, c'est une 300 km peut-être, plus, allez, on va dire un peu plus, de décembre 1979 à février 1980. Animal Magnetism s'est fait dans la hâte, comme je vous le disais, hein, donc ça va vite. La chanson Hold Me Tight, qu'on n'a pas encore écoutée, qu'on écoutera tout à l'heure, est née lors d'une session studio, ce qui se ressent à l'écoute de l'opus, mais moins abouti que les précédents albums du groupe. Sale et animalistique, disait Rudolf Schenker, Don't Make No Promise est la chanson que je vous ai passée tout à l'heure. Je vous en parlerai un petit peu de cette chanson, ça donnait un peu des libertés aussi au nouveau venu qui était Mathias Diabs, qui avait déjà collaboré sur un album, mais bon, voilà, on lui donnait un peu plus l'ouverture de pouvoir travailler comme ça sur... sur cet album. Donc voilà, on va s'écouter donc la chanson que je vous avais dit, hein, Hold Me Tight, qui est une chanson un peu moins aboutie sur cet album, et qui est une chanson qui a été composée par Rudolf Schenker, Klaus Mann et Hermann Rarebell. C'est une chanson, comme je vous le disais, qui est née comme ça d'une session. Donc une session, c'est tout simple, on est en studio, on répète, et puis il y a un riff qui arrive ou un rythme de batterie, ah, ça plaît, ben, on va travailler dessus, et voilà, c'est comme ça que ça prend forme, et des fois ça fait du bon. Voilà, allez, Hold Me Tight, c'est tout de suite, c'est maintenant. Backstage, les coulisses du son. We'll be right back. écoutez Backstage. Voilà, oui, vous écoutez Backstage avec vous jusque 10h30, encore quelques minutes. Scream pour l'émission, la première de l'émission Backstage. J'espère que l'émission vous plaît. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'émission se composera en deux styles différents. Ce sera toujours Backstage, Backstage Album Studio et Backstage où on vous parlera aussi d'un live que j'ai choisi comme ça. Et la semaine prochaine, on commencera déjà avec un live. Ce sera le live de Alan Parsons Project. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais je vous invite à écouter cette émission. Vous allez être surpris d'Alan Parsons Project, ça c'est sûr et certain. Alors tout à l'heure je disais, Don't Make No Promise est la première chanson signée par Mathias Diabs. Mathias Diabs qui a remplacé à pied levé le grand et talentueux Uli John Roth qui pour lui avait décidé d'arrêter le groupe Scorpion parce que ça n'avançait pas comme lui le désirait, lui qui est plutôt on va dire aussi, c'est un guitar heroes déjà, de un, et puis il est plus dans la création un peu néoclassique, on va dire ça comme ça, et c'est pas tellement, il a fait évoluer le groupe Scorpion énormément, mais ça c'est une autre histoire, donc voilà, je tenais à le dire, et donc Mathias Diabs a commencé à avoir... la part belle sur, sur cet album, donc Mathias Diabs qui est toujours au sein du groupe Scorpion qui a fêté il n'y a pas longtemps les 50 ans de carrière du groupe. Et il faut savoir aussi que le 15 septembre sort un livre sur la biographie du groupe en français. C'est la première. Alors on va s'écouter encore un titre qui s'appelle tout simplement 20th Century Man, chanson encore composée par Rudolf Schenker et Klaus Mann, et on se retrouvera tout de suite après pour terminer sur cet enregistrement, et après on passera au titre de l'album. Alors 20th Century Man, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. Voilà, c'était 20th Century Man, extrait de l'album Animal Magnetism, l'album Backstage de cette semaine. Alors, on vous parlait tout à l'heure de la fameuse ballade qu'on a pu écouter, hein, qui est la cinquième sur l'album Lady Starlight. Ben, les cordes et les cuivres sur cette ballade, Lady Starlight, l'une des plus belles chansons de l'album, furent arrangées par l'américaine Alan McMillian et les parties orchestrales furent enregistrées en février 1980 au Mantasoon Studio de Toronto au Canada. Alors tout à l'heure je vous parlais que sur l'album vinyle il est composé de 9 titres. Maintenant je parle de vinyle, pourquoi? Parce que maintenant on peut se reprocurer des vinyles, tant mieux. Le vieux son comme ça, ça fait plaisir à entendre à nos petites oreilles. Mais si vous achetez le vinyle d'Animal Magnetism, tout simplement vous aurez que 9 titres. Et si vous achetez l'édition CD remasterisée, ben, automatiquement vous aurez un titre en plus qui s'appelle Hey You, une chanson composée par Rudolf Schenker, Klaus Mann et Herman Rarebell. C'est un single rare qu'ils ont mis sur cet album qui était enregistré pendant la session Animal Magnetism, un titre qu'on va s'écouter juste à l'instant. Backstage, les coulisses du son. Hey. Voilà. Donc, je vous l'avais dit, hein, c'est un titre inédit des Scorpions. Hey You, et il faut savoir, oui, vous avez dit, bah, c'est pas possible, c'est pas le même chanteur. Non, bah, Closeman reprend le refrain. Et tout simplement, c'est Rudolf Schenker qui est au chant. Voilà, ça ne lui va pas du tout. Je préfère l'entendre et le voir jouer derrière sa gratte. Et pour faire les chœurs, pourquoi pas, mais pas au chant, surtout pas Rudolf. Ne te mets pas au chant. Alors, on va venir maintenant au titre de l'album, même si on en a passé pratiquement l'entièreté. Making Real en premier, qui les paroles furent composées par Herman Rarebell. Don't make no promise your body can't keep, c'est Herman Rarebell qui a créé, qui a écrit les paroles aussi. Hold Me Tight, c'est Herman Rarebell et Closeman. 20th Century Man, c'est Closeman. Lady Starlight, c'est Closeman pour les paroles. Falling in Love, c'est Herman Rarebell. C'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite après. Only a Man, c'est Herman Rarebell et Closeman. The Zoo, c'est Closeman. Animal Magnetism, c'est Herman Rarebell et Closeman. Et Hey You, c'est chanté par Rudolf Schenker et c'est Herman Rarebell et Closeman. Voilà, donc j'en parlais justement de Falling in Love. On va s'écouter ce titre de cet album Animal Magnetism. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. Voilà, donc c'était Falling in Love. Nous, il est bientôt l'heure de se quitter, presque 10h30 déjà. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage. Cette fois-ci, ce sera du live et on s'écoutera et je vous parlerai du live d'Alan Parsons Project, autre style musical, mais bon, c'est le but de Backstage, hein, vous faire découvrir d'autres de tous styles musicaux. On passera même de la variété française. Voilà, on va se quitter avec Only a Man, une chanson composée de Rudolf Schenker, Close Man et Herman Rarebel. C'était le premier Backstage consacré à Scorpion pour l'album Animal Magnetism sorti en 1980. Ciao les amis. Backstage, les coulisses du son. Well, you know it is hard being a long time apart, but it's you that I love, don't you see? And when I go away, you say please stay okay. I want you to stay only with me. Well, you know it is hard, all these girls not so smart, and they see me all over the place. When they phone me at night, ask me out for a fight, I can see my lust in their face. All these chicks really know, the next day I will go, and they never will see me again. So when I am back home, and we both are alone, des invités,